Salut à toutes et à tous, bienvenue pour Vidéotop. C'est reparti pour la bande de chiens délirants à Beverly Hills. Papy et Chloé sont désormais mariés. Mieux encore, ils sont devenus les parents de 5 chiots, tous plus espiègles et turbulents les uns que les autres. Après leur aventure au Mexique, nos amis vont devoir affronter un nouveau défi. Sauver leur maître qui risque de perdre leur maison. Nous sommes tous rassemblés aujourd'hui pour célébrer le mariage du couple le plus aimé de tous. Chloé et Papy, tu peux laisser la mariée? Je suis toujours la demoiselle d'honneur, jamais la mariée. Ah, Papy est de retour. Hé, hey, regarde Papy, le concours de beauté canine de Beverly Hills est doté d'un prix de 50 000 $. Ils nous ont donné un foyer. On fera tout ce qui est possible pour les aider à le garder. On devrait participer à ce concours. Oui. Vous croyez que vous pouvez gagner le concours? Ne me faites pas rire. Nous allons le faire. Aïe, chihuahua. Dans cette famille... Vas-y, papa. Oui. Oh, fabuleux. Il faut avoir les reins solides. Du répondant. Regardez discrètement, mais quelqu'un vous a fait le maillot. Et la truffe humide. Eh oui, c'est ça, la famille. Le Chihuahua de Beverly Hills 2. Un film pour toute la famille, un DVD Disney.